Dans l'oreille, prête attention. Pendant mon délire, aspe l'atmosphère qui s'imprègne dans ton sang comme une injection. Geste sauvage pour ma nation, qui fait son sous le tèche, kick ma section. Pour la bonne caille, un foie et gars, besoin d'un dieu pour de rue. Où les tellement glands m'ont vécu qui longe bien trop d'avenue. J'suis pas perdu loin de là, j'sais où sont mes traces. J'en balance une pour tous mes gars, pour d'affreux dans la place. Ressens les sensations, les vibrations, les mots que je donne avec émotion. La rage que je lâche au max, la partage avec ma population. Ça sonne brut pour tous mes gars de cité, mon public de base. Top pour bonne vibe dans le quartier, sans limite. Mon délire n'a pas de frontières. Ma musique augmente le niveau, monte l'adrénaline. Va des ondes frénétiques. Quand le soir dans la tête, j'fume de la presence. Focalise mon stress, malgré tout ça je progresse. Grâce au mien, j'ai le mic en main. Je lâcherai pas demain. Sans un certain frangin, j'compte bien brouiller mon quotidien. Les principes sont stricts, j'aime ça. Je grandis dans ce milieu là. Que ça te plaise ou non, ça me restera. Quoi, j'fais mon truc, c'est pour ça que j'suis là. Quoi, avec honneur, j'en balance une pour tous mes gars. J'en balance une aux vrais gars, nourri d'embrique. Break et de braquage, braille pour tête, brûlé, t'as de prolo qui tente à briller. Pour le billet, évite balle, bagne et billard. Pour un bout de terrain, bagarre, prise de gueule à coup de barre. Moi la vie est longue, plus ici l'on se couche tard. La pauvreté une tare qu'on essaie de fuir sans faire du mitard. Cueillir quelques mètres de souffle avant la mort de ton corps s'empare. Fumer du cigare, l'argent, l'oseille, le flou, ça rempart. L'amour est un moment de répit pour ton esprit barbare. Réussir dardard, pareil au star auquel tu te compares. Le diable des Lombards, le prince des Lascar, roi des Loupards. Ces mots vont bien plus loin que ton nom tagué sur les murs d'une gare. Pardonne-moi, je mâche pas mes mots à ton égard. Méfiant des mauvais regards, des ragots, des traites, la langue des mouchards. De ceux qui te lâchent au dernier moment, baltringue, fou ça. Faut s'adapter, moi le capter, vous mettre en jacté. Ouais, j'en balance une aux vrais gars. Vrais gars. Vrai gars, New York, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, New York, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars, Paris, Vrai gars,